Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Les journalistes sont appelés à revenir constamment sur les fondamentaux du métier à l'ère des réseaux sociaux qui ne font qu'en favoriser l'amateurisme. Vous entendrez les explications du journaliste senior Gérard Fourazima dès le début de ce journal. Quatre collines de la commune Moussongati en province Routana manquent d'eau potable depuis 4 mois. À cause des infrastructures d'adduction endommagées par de fortes pluies tombées en novembre dernier, nous appellerons notre correspondant. Et l'ONG Play International, financée par l'Agence française pour le développement AFD, organise diverses activités sportives pour les jeunes filles et garçons afin de lutter contre toute discrimination basée sur le genre. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'exercice du journalisme se heurte pour le moment à un problème d'amateurisme face à l'utilisation des réseaux sociaux. Avis du journaliste senior Gérard Fourazima au lendemain de la célébration de la Journée internationale de la radio. Et pour faire face à ce phénomène, il estime que c'est le moment pour les journalistes de revenir aux fondamentaux de ce métier. Écoutez ses explications. La situation actuelle de ce métier rencontre beaucoup de défis. Et parmi ces défis, il y a ce fait qu'on dirait que n'importe qui, maintenant, grâce aux technologies de l'information, de la communication et aux réseaux sociaux, n'importe qui peut se transformer en journaliste. Les gens prennent des images, ils prennent des sons, ils photographient n'importe quoi, ils écrivent un petit article, ils pensent qu'ils ont fait du journalisme. Ce n'est pas du journalisme, ça. C'est peut-être de la communication. Parce que le journalisme a ses règles, le journalisme a sa déontologie, le journalisme a son éthique. Et c'est à partir de cela que je voudrais lancer un appel aux responsables des médias et aux journalistes, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le métier de collecte, de traitement et de diffusion de l'information comme job de tous les jours et dont ils tirent le revenu, au moins 50% de leur revenu. C'est ça le journaliste. Je voudrais leur dire que c'est vraiment le moment de revenir à la source, revenir aux fondamentaux de l'information, aux fondamentaux du journalisme. Le traitement des faits, les faits têtus, tels qu'ils se sont passés. Et pour cela, il faut des hommes et des femmes qui soient capables justement de faire une bonne collecte, de faire un bon traitement et une bonne diffusion de l'information. Parce que visiblement, ce n'est pas ce qui est en train d'être fait actuellement. Il y a un peu d'amateurisme que nous voyons. Il y a des dérapages qui se passent. Et heureusement qu'il y a le Conseil national de la communication, le CNC, qui de temps en temps quand même fait le monitoring et tire la sonnette d'alarme, que ce soit pour les journaux, télévisés, les radios, la presse écrite. Mais le plus difficile, à mon avis, ça sera la régulation au niveau des réseaux sociaux. C'est trop compliqué. Gérard Fourazima, il est journaliste senior. Certains vendeurs de fleurs à l'Athénée primaire à mairie de Bujumbura disent que la fréquence de leurs clients a diminué cette année par rapport aux années précédentes. À l'occasion de la célébration de la Saint-Valentin ce vendredi, ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro disent que le manque de devises serait la cause majeure de cette situation, arguant qu'ils importent ces fleurs dans les pays voisins. Il donne l'exemple d'une fleur simple dont le prix est fixé en prix variant entre 50 000 et 100 000 francs burundais. Claude Itangishak. À l'Athénée primaire, où nous sommes passés le matin de ce vendredi, ceux qui venaient s'approvisionner en fleurs regrettent que le prix des fleurs a été revu à la hausse. Toutefois, ils disent qu'ils ne peuvent pas s'en passer. De leur côté, les vendeurs expliquent que la cause majeure de cette situation est le coût d'importation des produits dans le contexte de manque de devises dans le pays. Les produits arrivent ici avec un prix très élevé. Et nous aussi, si on demande beaucoup d'argent, alors que les hommes, les femmes, les jeunes qui viennent demander les fleurs n'en ont pas, alors on est à l'œuvre, on est habitué à diminuer le prix, même si ça a été cher. Et vous voyez aussi, il est encore temps. Nous attendons que vers 17h, 18h, nous allons avoir beaucoup de clients. Les vendeurs rapportent que la fleur de première qualité importait souvent 400 000 francs burundais. L'ONG Play International, financée par l'Agence française pour le développement AFD, appelle le voisinage et les parents des jeunes filles à les laisser s'épanouir dans le domaine du sport, source de développement personnel. C'est dans cette optique que cette ONG, en collaboration avec ses partenaires, organise ce samedi au chef-lieu de la commune Gassourgué en province Muyinga diverses activités sportives pour les jeunes filles et garçons à travers le projet Tous en sport, TES en sigle, afin de lutter contre toute discrimination basée sur le genre, explique Fabrice Nsengiyumva, responsable à l'ONG Play International. On l'écoute. D'abord, les filles sont discriminées, les filles sont ignorées, elles sont oubliées dans différentes activités de développement. Et aujourd'hui, Play International est convaincu que le rôle de la femme et de la fille aussi est important dans le développement, lequel nous pensons qu'à travers le jeu et le sport, nous pouvons promouvoir les droits, l'inclusion de la jeune fille au Burundi, mais aussi nous pouvons aussi contribuer pour la lutte contre différentes violences basées sur le genre qui se présentent au Burundi dans le sport, mais aussi dans d'autres disciplines. Voilà pourquoi nous avons pensé de travailler en commun accord, en partenariat avec d'autres associations locales, les institutions burundaises, pour qu'on puisse faire le débat, échanger, mais aussi proposer des activités qui visent la promotion de la fille burundaise à travers des activités de sport, mais aussi à travers d'autres activités génératrices de revenus, mais aussi de développement. Les parents, surtout les mamans, ont fait tabou le sport féminin. Et quel est le message? Et c'est juste de les faire comprendre que la femme aussi contribue dans le développement du pays. La femme aussi a le droit de faire des activités sportives. Donc, j'invite aux familles, aux parents de laisser leurs jeunes filles participer dans différentes activités, et des activités de sport et autres, pour que ces jeunes filles aussi puissent développer leurs compétences, mais aussi apprendre d'autres notions de la vie, ce qui leur permettra d'avancer en même temps que les garçons. Fabrice Nsengiyumva de l'ONG Play International répondait aux questions d'Evariste Nzikobanyanga. Parlons maintenant infrastructure. Certains utilisateurs de la route Gasségne située au nord de la ville de Bujumbura se disent être préoccupés par les nids de poules observés dans cette route. Ils disent que cela peut causer beaucoup de problèmes sans oublier les accidents et demandent aux autorités habilitées de tout faire pour boucher ces nids de poules. Un reportage de Clovis Niyongour. Cette route menacée mène de la route nationale numéro 1 à la zone Gihosha et sépare les quartiers Tawa et Ekosate, précisément au nord de la ville de Bujumbura. Arrivés au carrefour où cette route commence, sont observés des nids de poules au milieu de la route et sur les côtés. Les détaillés de la dite route disent avoir repéré des conséquences qui pourraient survenir si ces nids de poules ne sont pas bouchés. Ça peut causer des problèmes, surtout lorsque les véhicules se rencontrent dans la même itinéraire. Dans ce cas, ces véhicules peuvent se cogner et ce sont des accidents qui surviennent. En plus de cela, les personnes peuvent être embourbées pendant la période pluviale suite à ces nids de poules. Ce que nous voyons dans cette route, quand nous allons dans le dos passer dans cette route, vraiment nous passons dans des difficultés en rapport avec donc les véhicules qui passent, vraiment, ça me semble difficile de nous concentrer à passer où la route est bonne. Il demande aux autorités habilitées de faire le tout possible pour boucher ces nids de poules avant qu'ils ne causent des problèmes. Donc l'importance est que vraiment, en urgence, que cette route vraiment doit être construite pour nous faciliter. Ces nids de poules avaient été bouchés dans le cadre du projet du gouvernement appelé Zéro Nid de Poules il y a presque 3 ans. Clovis Niyonguru, non loin de là, et toujours dans ce domaine des infrastructures, les habitants du quartier Nyabagere se trouvant dans la zone urbaine de Gihosha se réjouissent des travaux de réhabilitation en cours sur le pont reliant ce quartier et celui de Taba dans la même zone. Dida Seniwizi, chef du quartier Nyabagere, demande à Loboa d'achever ses travaux dans les meilleurs délais afin d'éviter aux gens de faire des détours pour arriver dans leur ménage. C'est un reportage de Jean-Marie Vianney Gendakumana. Ces habitants indiquent accueillir chaleureusement les travaux de réhabilitation de son port Horia, le quartier Nyabagere et le quartier Taba. Ils témoignent qu'ils éprouvaient des difficultés pour traverser la rivière Nyabagere, surtout pendant la saison pluvieuse. Pour moi, comme un habitant d'ici qui aime à traverser ce chemin, j'ai beaucoup apprécié ces travaux de réhabilitation parce que ça serait mieux et ça me facilite aussi d'aller là où je travaille. Cette décision de réhabilitation de cette rivière vraiment l'accueille très bien parce que vraiment, ça sera facile pour nous, les gens qui passent pour cette chemin, vraiment, ça sera très facile pour nous. Les décisions viennent si le temps vraiment. Les difficultés qui ont été ici dans les jours passés, c'était très difficile de passer si c'était chemin vraiment. Il y a des accidents qui passent en rapport avec de mauvais passation de cette route. Ces derniers demandent à l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Buha d'achever dans les meilleurs délais les travaux de réhabilitation de ce pont. Ils nous demandent, les gens qui ont le droit de construire, de réhabiliter les rivières, de mettre en œuvre des activités à temps pour ne pas aggraver les situations. Nous demandons à l'État et à l'Obuha de faire toutes les choses possibles pour qu'il faut la rapidité de cette construction de pont afin que les travaux de réhabilitation soient achevés dans les meilleurs délais. Didas Nibizi, chef de quartier Nyabagere, indique qu'au sein de l'administration, ils ont mené des échanges avec Obuha et cette institution promet de terminer les travaux en temps, ajoute-t-il. Les travaux de réhabilitation de ce pont ont démarré le 6 février 2025. Et le domaine des constructions doit évoluer dans la modernité suivant les normes standards. Dans notre pays, le constat est que ni les régulateurs, ni les consommateurs et concepteurs, personne n'est informé du référentiel sur les normes. Jideni Djimbere, secrétaire permanent au ministère des Infrastructures, le disait lors d'un atelier de sensibilisation et de diffusion de ces normes ce vendredi, avec pour objectif d'interpeller tous les concernés dans le domaine des constructions, d'utiliser les matériaux qui remplissent les normes en vue d'éviter les dégâts. Suivez-le. Le constat est que ni les régulateurs, ni les constructeurs, ni les consommateurs, non plus les concepteurs, personne n'est informé du référentiel normatif, car on ne pourra pas parler de la qualité des ouvrages sans normes existantes. Le domaine de construction doit évoluer dans la modernité suivant les normes standards et cela constitue un défi majeur pour le pays car il ne dispose pas de normes claires et spécifiques dans le domaine de construction. Les présentes normes faisant objet de la sensibilisation puisent source dans les normes régionales ou internationales, mais toutefois une adaptation au contexte du pays va guider le processus. C'est-à-dire quoi? Il faudra tenir en compte de la disponibilité des matériaux dans le pays, du contexte environnemental et du pouvoir d'achat de la population, et aussi du contexte social. Donc il faut prendre en considération tous les contextes qui pourraient permettre à ce qu'on ait des matériaux abordables, mais aussi de qualité. Ainsi donc, une fois les normes opérationnelles, le renforcement des mécanismes de contrôle de qualité doit suivre. Il est à signaler qu'une perspective de création d'une autorité de contrôle de construction est en cours de réflexion au ministère. Jide Nijimbere, secrétaire permanent au ministère des Infrastructures. Et le chef suppléant de la coopération suisse au Burundi a signalé que les normes élaborées vont contribuer à combler les lacunes existantes dans les constructions et améliorer la qualité de la brique utilisée au Burundi. On l'écoute. La Suisse est convaincue que les normes élaborées vont contribuer de manière significative à combler les lacunes existantes dans les normes spécifiques de construction et à améliorer la qualité de la brique qui va être utilisée dans la construction au Burundi et ainsi augmenter la durabilité et la sécurité des infrastructures. Le manque de contrôle interne de qualité et l'établissement d'un processus standardisé se sont révélés comme éléments clés qui empêchaient les producteurs de briques d'améliorer la qualité de leurs produits. C'est dans cette optique que la Direction du développement et de la coopération, via le programme ProEco, a pris en charge la création des conditions cadres politiques et légales pour la promotion d'une urbanisation durable et équitable et s'est engagée dans le processus de l'amélioration de la qualité des briques pour la construction. Ces propos ont été recueillis par Jean-Marie Mayonga. Les collines de Buhinga, Maganahe, Rusunu et Kagunga de la commune Musongati en province Rutana manquent d'eau potable depuis 4 mois. C'est la conséquence de fortes pluies tombées en novembre dernier et qui ont endommagé les infrastructures d'adduction d'eau sur ces collines. L'administration communale rassure être au courant des dommages occasionnés par ces pluies et promet que la réparation sera faite aussitôt que l'argent nécessaire sera disponible. Une correspondance de Veniste Niramhaga depuis Rutana. La pénurie en eau potable pour certains habitants des collines Buhinga, Magana, Hirosune, Kagunga, de la commune Musongati en province de Rutana a commencé depuis novembre de l'année passée suite aux fortes pluies qui ont endommagé les tuyaux qui distribuaient l'eau sur ces collines. Depuis lors, la population concernée utilise l'eau impropre puisant dans les rivières Gakingiro et Nyamabuye comme l'a-t-on constaté. Pour avoir l'eau potable, la population de ces localités doit faire des longs trajets de 3 heures de temps, ce qui ne les paraît pas facile. Elle craignent les maladies des mains sales et de demande au gouvernement de leur donner l'eau propre. Les autorités collinaires disent que la question a été soulevée au niveau de la commune et l'administration communale rassure que la réparation de cette eau sera faite une fois l'argent disponible. Depuis Utana, Veniste Ntiramhaga pour la radio Isanganiro. En actualité internationale, les dépouilles des 14 soldats sud-africains tués en République démocratique du Congo sont arrivées ce jeudi à la base aérienne de Swartkop à Pretoria. Ces soldats faisaient partie d'une mission de maintien de la paix déployée dans l'est de la RDC, où ils ont perdu la vie lors d'un affrontement avec les rebelles du M23. Les familles des soldats pleurent leur perte, mais la nation tout entière, bien que fière, reste préoccupée par l'efficacité de ses engagements militaires à l'étranger. Et à Arusha, en Tanzanie, c'est le début du procès intenté par la République démocratique du Congo contre le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le débat à ce stade se limite aux questions de forme. La RDC accuse son voisin de violation des droits de l'homme, violation des frontières et massacre dans la province du Nord Kivu depuis 2022. La stratégie des avocats de la partie rwandaise vise d'abord à disqualifier la Cour africaine dans cette affaire. Sachez que c'est la première fois que deux États s'affrontent devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Enfin, un sommet de l'Union africaine se tient ce week-end à Addis Abeba et l'un de ses enjeux majeurs est le remplacement du numéro 1 de l'organisation, le président de la commission Moussa Faki Mahamat, en poste depuis 8 ans. Cette année marque la fin du double mandat de cet ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad qui laisse derrière lui un bilan mitigé entre renforcement des partenariats internationaux et crise du leadership continental africain. Trois candidats s'affrontent pour lui succéder, le Kenyan Raila Odinga, le Malgache Richard Randriamandrato et le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.